Arthur Rimbaud, comédie en trois baisers. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets, aux vitres penchaient leurs feuillets, malinement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, mi-nue, elle joignait les mains. Sur le plancher frisonnaient d'aise ses petits pieds, si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonné comme un sourire sur son beau sein mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un long rire, triste mâle, qui s'égrenait en claire trille une risure de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. « Veux-tu finir ?» La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvret palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. « Oh, c'est encore mieux !»« Monsieur, j'ai deux mots à te dire. » Je lui jetai le reste au sein dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets, aux vitres, penchaient leurs feuillets, malinement, tout près, tout près. Lue par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.